Rajata. Et Youssouf, Yakul, Nimaza, Rajata. Pourquoi es-tu revenu? Ibrahim, Yakul, Rajatu, li annani marid. Il dit, je suis revenu parce que je suis malade. Donc après, on va faire comme avec Anna. Quand c'est Anna, tu vas dire Annani. Quand c'est Hua, tu vas dire Annahu. Quand c'est Hia, tu vas dire Annaha. Il est réel Zalika. Sauf qu'avant ça, on met li. Donc tu vas dire Liennani, Liennahu, Liennaha, Liennaka, Liennaki, ainsi de suite. C'est la même chose. Par exemple, il dit lui Lienna Zaid Hua, Yusawi, Liennahu. Si tu ajoutes Hua à Lienna, ça va être quoi? Liennahu. Lienna Zaid Hia, Yusawi, Liennaha. Lienna Zaid Anta, ça va cool, Liennaka. مثلا رجع حامد من المدرسة لأنه مريض. حامد revenu de l'école car ou parce qu'il est malade. Faut dire car aussi. رجعت آمنة من المدرسة لأنها مريضة. آمنة est revenue de l'école parce qu'elle est malade. رجعت من المدرسة أي أنا لأنني مريضة. Mais là apparemment c'est une femme qui parle. Je dis Marida. Quand tu dis Mathalen, Rajartou Mne Madrasa, Liennani Marid, là, Eina Ism Anna. Liennani Marid. Eina Ism Anna, Eina Khabar Anna. Anna, c'est ni. C'est lié à Fakat. Il y a mon takalim. Et le khabar, c'est marid. Non, marid. Et c'est quoi la différence entre inna et anna? C'est que inna, tu l'emploies en début de phrase, directement. Vous voyez? Inna Muhammadan Rasulullah. Alors que anna, tu vas l'utiliser en cours de phrase. Et ce sera souvent traduit par que. Par exemple, tu dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Non, traduit par que. J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ils ont mis des exemples avec des damahir. Mais si tu prends Ism Vahir, un nom apparent, ça va être pareil. Il va être mansoub. Comme on a dit là Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc là, Muhammadan, il est quoi? Ism anna. Wa Rasul khabar anna. Et les moudaf, oui, Allah Jalala Allah, moudaf ilay. Et sinon, ça s'appelle pareil. Harf, nas, motokid, comme inna. Juste comme je dis la différence, c'est que inna en début de phrase et anna est en cours de phrase. Également, kafikul ta'ala. ذلك بأن الله هو الحق وما يعبدون من دونه هو الباطل. Et ceci, car Allah est la vérité et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. بأن الله. طيب, là, الله جل وعلا, Allah, c'est le ism anna, donc il est mansoub. Et dans le Coran, tu vas trouver beaucoup également. C'est parmi les lettres très, très employées. سابعا. Vous avez compris à Anna? Non. Non. Donc si on regarde bien, parmi Inna, on a pris quoi? Enfin, Khulasa, on a pris Inna, Haf Tokis, Tokid, Wanasb, Inna Muhammadan, Asalan, Rasulullah. On a appris la Kinna, c'est Harf, Nasb, Westidrak, Asalan, Zaydun, Kabirun, la Kinnahu, Daif. On a appris Ka'anna, ça c'est harf nasb wa tashbih, pour faire une ressemblance. Tu dis Ka'anna Muhammadan, Masalan, Asad. C'est comme si Muhammad était un lion par rapport à Shuja'a. Tu fais une comparaison par rapport à courage. On a pris quoi exactement? On a pris La'alla. Tu vois, La'alla, l'taradji, pour les choses qui est possible et qu'on espère, ou l'ishfaq, pour les choses que l'on craint. Par exemple, tu dis La'alla Muhammadan bi khayn. Tu vois, il se peut qu'il soit en bonne santé Ou on espère qu'ils sont en bonne santé. Ou ça peut être le contraire. On craint. Enfin non. Je dirais plutôt la'alla Mohammedan Marid. On craint qu'il soit malade, par exemple. On a appris également aujourd'hui Anna. C'est-à-dire Anna avec Harfaja Li. La Sainte Akoul. Limada. Limada. Mathalan. جدا إلى دمج بقيت إلى دمج تقول لأنني أريد أن أطلب العلم parce que je veux étudier la science طيب لأنني أريد أن أطلب العلم parce que je veux rechercher la science donc je pose une question avec لماذا tu réponds avec لأن et après en fonction de celui à qui on parle tu vas utiliser دمير qui correspond دمير متصل ou ça peut aussi être اسم ظاهر un nom apparent ça dépend de la phrase. En tout cas, le ism qui vient après Anna, il est mansoub. C'est ism Anna. Et il reste encore un parmi Khawat Inna, c'est Leïta. Et il viendra plus tard, Inch'Allah. Sabian, Ikra al-Mithal, Thumma ajib an asilatil atiya bi na'am ou bala. Donc il dit, lis les exemples suivants et répond aux questions en utilisant na'am, c'est-à-dire oui, ou bala, si ou en effet. مثلا ذهبت الى المدرسه امس as-tu été à l'école aujourd'hui نعم ذهبت oui j'ai été اما ذهبت الى المدرسه امس n'as-tu pas été à l'école hier بلا ذهبت si j'y ai été طيب on avait dit quoi بلا quand est-ce qu'on emploie lorsque c'est une question طيب qui a une forme négative mais dont on veut une affirmation طيب الجمله الاولى Raja Abouka Nesouki, est-ce que ton père est revenu du marché? Naam Raja. Naam, oui, il est revenu. Ama Raja Abouka Nesouki, ton père n'est-il pas revenu du souk? Bala Raja. Naam, si, il est revenu. Zahabat Leila il est Jamia, est-ce que Leila a été à l'université? Naam Zahabat. Naam Zahabat, oui, il a été. Ama Zahaba Akhouka il est Riyad, ton frère n'a-t-il pas été à Riyad? Bala Zahaba. Naam, Bala Zahaba. طيب فسكون اللي تكون ان شاء الله هو سكونتوندي سي لوكازيون pour pouvoir mieux assimiler ce qui était passé auparavant ça sera plus de temps عندك سؤال لا لا اما عندك سؤال لا ما عندي سؤال نعم طيب انا كل اللي قلنا والحمد لله رب العالمين